le fort badasson, il pousse rien qu'une tige, vous voyez, il pousse en hauteur. Tandis que l'autre, il fait des tiges, des petites tiges, il est très bas. Il fait plusieurs, vous devez l'avoir là. Exactement, c'était pour les graines, hein, les petites graines sur Omar là. C'est utilisé comme le vrai, mais c'est pas ça quand même, c'est pas... Voilà, et eh bien ça c'est moi je ça, crois... Ça c'est le faux ça. Ouais, c'est le faux ça, c'est, pas, c'est celui que les gens ramassent, qui me disent tiens c'est du badasson, mais c'est pas le vrai badasson. Là j'en ai vu une plante là, quelque part là, il faudra que j'aille la ramasser, la mettre, mais je la mettrai dans les cailloux, dans les rocailles un peu. Quoi, autrement j'essaie de faire dans le jardin vrai badasson, en bas, le vrai. Dire, ouais. Oui, le vrai, j'en ai vu et je le ramasserai, pourquoi les gens ils vont l'abîmer, ils saccagent tout, alors comme il n'y en a plus. Et ici, il y a plus de celui-là. Oh, celui-là, il y en a partout. Il y en a partout. S'il y a un champ, pas partout, ouais. Si vous voulez dire, mais enfin, s'il y a un champ culte, vous voyez, il en pousse un peu, après il en pousse partout, hein, ça se propage beaucoup. Est-ce que le vrai, il ne se propage pas tellement. En fait, c'est-à-dire qu'il a disparu, voilà. Autrement, il se propagerait la même chose. Ouais. C'est plein de petites graines. Quoi, maintenant, il utilise. Moi, j'ai quelqu'un à Robion qui me dit, moi, le badasson, pourquoi s'ils ont des fois des problèmes, vous savez. De peau là, qu'ils ont des boutons, tout ça là, des bains, pour prendre des bains, vous voyez, ça fait du bien.